bingilila kabale pone vote mbalosi Pitom avunzi, ou l'époque à l'Irva, avant les hommes t'es qu'à s'allier. Chapeau et chemise blanc, les dames jipons madras, posées si chaque côté. Mais begin là, est toujours là. Mais begin là, est toujours là. Mais begin là, est toujours là. Toujours